Matthew chapter 16. Matthieu chapitre 16. Alléluia. Alléluia. Verses 5 to 12. Les versets 5 à 12. He still talks about the deeper revelation of the bread without yeast. Il parle à propos de la révélation plus profonde du pain sans levure. Again, Matthew chapter 16. Encore Matthieu chapitre 16. He still talks about bread without yeast. Il parle encore de pain sans levure. Matthieu 16, 5 to 12. Look at what he says here about bread without yeast. Matthieu 16, verset 5. Regardez ce qu'il dit ici à propos de pain sans levure. He says, the yeast of the Pharisees. When they went across the lake and the disciples forgot to take bread, be careful, Jesus said to them. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and the Sadducees. Il dit, les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. And he says, they discussed this among themselves and said, it is because we didn't bring any bread. Il dit, les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Aware of their discussion, Jesus asked, you of little faith, why are you talking among yourselves about having no bread? Do you still not understand? Do you remember the 5 loaves for the 5,000, or how many baskets you gathered, or the 7 loaves for the 4,000, and how many baskets full you gathered? How is it that you don't understand that I was not talking to you about bread? Jésus, l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? But be on your guard against the yeast of Pharisees and Sadducees. Then they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in bread, but against the teachings of the Pharisees and Sadducees. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain, qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. I just want to emphasize one thing here. Je veux juste mettre l'importance sur une chose ici. That in this case, we see very clearly que dans ce cas, nous voyons très clairement a case in time when the Lord now in the Bible un cas dans le temps où le Seigneur maintenant dans la Bible is using bread without yeast as the true teaching, the true word est en train d'utiliser le pain sans levure comme le vrai enseignement, la vraie parole. He's emphasizing the fact that bread without yeast stands for the true word. Il met de l'importance sur le fait que du pain sans levure représente la vraie parole. But he's also using the fact that bread with yeast. Il est aussi en train d'utiliser le fait que le pain avec la levure stands for the teachings of the Pharisees. Représente l'enseignement des pharisiens and the Sadducees. Et des sadducéens. Essentially, the false teachings in the church. Essentiellement, l'enseignement faux dans l'Église. When he translated to the church, he is saying that traduit à l'Église, il dit bread without yeast represents the true doctrine, the true teaching. Que le pain sans levure représente la vraie doctrine, le vrai enseignement of the true word of God, de la vraie parole de Dieu. And yet bread with yeast standing for false teachings. Et maintenant, pain avec levure représente le faux enseignement. False prophets. Le faux prophète. The teachings of the Pharisees. L'enseignement des pharisiens. The teachings of the Sadducees. L'enseignement des sadducéens. The teachings of the religious people, somebody. L'enseignement des gens religieux. And I want to finish up this now. Et je veux terminer ça maintenant. The book of Judges, chapter 6, verse 19. Le livre de Juges, chapitre 6, verset 19. He still talks about the bread without yeast. Il continue de parler à propos du pain sans levure. Judges, chapter 6, precious people. Judges 6, verse 19. Only one verse, somebody. Juges, chapitre 6, précieux people. Juges, chapitre 6, verset 19, seulement un verset. He talks about bread without yeast. What does bread without yeast stand for? Il parle de pain sans levure. Qu'est-ce que le pain sans levure signifie? In the church, why does the Lord emphasize bread without yeast? Dans l'église, pourquoi est-ce que le Seigneur met de l'importance au pain sans levure? Judges chapter 6 verse 19, look at this. Juges chapitre 6 verset 19. Gideon having encountered the angel of the Lord. Gédéon ayant rencontré l'ange du Seigneur. He realized this is the angel of the Lord. Il réalise que c'est l'ange du Seigneur. He goes out to make a sacrifice. Il sort pour faire un sacrifice. He is able to ask the angel of the Lord to wait on him. Il est capable de demander à l'ange du Seigneur de l'attendre. So he can make sacrifice and bring unto the angel of the Lord. Look at what he does, verse 19. Alors, il peut faire un sacrifice et l'apporter à l'ange du Seigneur. Regardez ce qu'il dit au verset 19. He says, Gideon went in, prepared a young goat, and from an ephah of flour, he made bread without yeast, put in the meat in a basket, and it's brought in a pot. He brought them out and offered them under the oak. Hallelujah. Voyez ce qu'il dit au verset 19. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. In other words, the Lord is using this to emphasize the fact that bread without yeast. Dans d'autres mots, le Seigneur est en train d'employer ça pour mettre de l'importance au fait que le pain sans levure is the bread of the presence of the Lord. C'est le pain de la présence du Seigneur. Bread without yeast. Le pain sans levure is the bread of the visitation of the Lord. C'est le pain de la visitation du Seigneur. Because you see that from that point on. Parce que vous voyez ça de ce point-là. When Gideon presents bread without yeast, quand Gédéon présente du pain sans levure, the angel touched it. L'ange l'a touché. After he poured broth, he was ordered to pour broth away. Il a répandu le jus. On lui a donné l'ordre de répandre le jus. The angel touched it on the rock, and a huge flame of fire visited that rock, visited Gideon. L'ange a touché la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. And that was the beginning of a mighty visitation in the land. Et ça, c'était le commencement d'une visitation très grande dans le pays. And at the same time, if you read further, et dans le même moment, si vous lisez plus loin, you see that the bread without yeast, vous voyez que le pain sans levain that brought the mighty visitation, qui a amené cette puissante visitation also led to Gideon destroying the Asherah poles, qui a aussi conduit Gédéon à détruire l'idole de Asherah pole and the altars of Baal, et l'autel de Baal. So in other words, the bread without yeast here, in this case in Judges chapter 6. Alors, en d'autres mots, le pain qui est utilisé ici, dans ce cas-là, dans Juges chapitre 6, is being used by the Lord, a été utilisé par le Seigneur to emphasize the fact that it stands for, pour mettre de l'importance au fait qu'il se tient devant the mighty visitation, the bread of the presence, no wonder it was always in the holy place. La puissante visitation, le pain de la présence. Pas étonnant que c'était toujours dans la sainte place. The bread of the visitation. Le pain de la visitation. And at the same time, the dismantling of the altars that are false, the altars of Baal. Et dans le même temps, il démantèle l'autel qui est tombé, l'autel de Baal. The altars of false prophecies and teachings in the church. L'autel des fausses prophéties et des faux enseignements dans l'église. And I want to finish up with one mighty bread. Et je veux terminer avec un pain puissant. That is John chapter 6. John chapter 6 verse 32 to 59. Jean chapitre 6 verset 32 à 55. We're finishing now with the mighty bread. Nous finissons maintenant avec le puissant pain. That you see in John chapter 6. Qu'on voit dans Jean chapitre 6. Again, bread without yeast is what we are still looking at. Encore du pain sans levure, c'est ce que nous sommes en train de continuer à voir. Jesus, the bread of life. Jésus, le pain de vie. We are now talking about Jesus, the true bread without yeast. Parlons maintenant de Jésus, le vrai pain sans levure. That is present at Passover. Qui est présent à la Pâque. Verses 32, precious people. Le verset 32, précieux peuple. John chapter 6, verses 32 on. Look at what it says here. Jean chapitre 6, verset 32, regardez ce qu'il dit là. He says, Jesus said to them, I tell you the truth, it is not Moses who has given you bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. Il dit, Jésus leur dit, en vérité je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Now you see when you move, you summarize all that together. Alors vous voyez, quand vous avancez, vous résumez tout ça ensemble. What the Lord was talking about in the Old Testament. Ce dont le Seigneur était en train de parler dans l'Ancien Testament. And in the New Testament. Et dans le Nouveau Testament. He essentially was talking about the bread without yeast that is present during Passover. Il parlait essentiellement à propos du pain sans levure qui est présent pendant la Pâque. The one whose body is striped. Celui dont le corps est meurtri. Hallelujah, that's why matzah is striped. Alléluia, c'est pourquoi le matzah a des rayures. It's talking about the true bread that was given to us. Il parle à propos du vrai pain qui nous a été donné. From heaven by the Father. Du ciel par le Père. To give us life, to give life to the world. Pour nous donner la vie, pour donner la vie au monde. So they said, from now on give us this bread. Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. He who believes in me will never be thirsty. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Now look at that somebody. Maintenant, regardez à ceci. He's saying he's the bread of life. Il est en train de dire qu'il est le pain de vie. And whoever eats him comes to him. Quiconque le mange et vient à lui, eats his flesh, mange sa chair, will never hunger, will never die. N'aura jamais faim, ne mourra jamais. But he also says something interesting. Il dit aussi quelque chose d'intéressant. Will never thirst. Whoever goes to him will never thirst. N'aura jamais soif. Quiconque va à lui n'aura jamais soif. So essentially, in this case, we see that the complete bread of life that's present during the sacrifice. Alors, essentiellement, dans ce cas, nous voyons que dans le complet pain de vie qui est présent durant le sacrifice. When the Passover lamb, the perfect Passover lamb is being sacrificed. Quand l'agneau pascal parfait a été sacrifié. The perfect Passover lamb is Jesus. Le parfait agneau pascal, c'est Jésus. And the bread that is present at that time, which is his body. Et le pain qui est présent dans ce temps, qui est son corps. Essentially, he is now talking also about the Holy Spirit. Essentiellement, il parle maintenant du Saint-Esprit. It's not about the fact that you will not thirst. Il parle à propos du fait que vous n'aurez pas soif. Which means the Spirit of the Lord will fill you. Ce qui signifie que l'Esprit du Seigneur va vous remplir. Look at what he says. Regardez ce qu'il dit. But as I told you, you have seen me and still do not believe. All the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I'll never drive away. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verse 38. For I've come down from heaven, not to do my will, but do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all he has given me, but raise them up at the last days. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Alors vous voyez qu'il est en train d'utiliser le fait que le pain de vie donne l'éternel, la vie éternelle. Even on the last day, if you have eaten of the true bread of life, that is our Lord Jesus. Même dans les derniers jours, si vous mangez le vrai pain de vie qui est notre Seigneur Jésus, you will still be raised up from the dead. Vous allez ressusciter des morts. Verse 40. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verse 41. At this time the Jews began to grumble about him because he said, I am the bread that comes down from heaven. They said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? Stop grumbling among yourselves. Jesus answered, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. And I will raise him up at the last day. Verse 45. It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me. No one has seen the Father except the one who is from God, only he who has seen the Father. I tell you the truth, he who believes has everlasting life. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. I am the bread of life, pan de vida, bread of life. Alleluia, pan de vida in Spanish. I am the bread of life. Your forefathers ate manna in the desert, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which a man may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Je suis le pain de vie, pan de vida en espagnol. Le pain de vie, pan de vida. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Look at verse 52. Regardez au verset 52. Then the Jews began to argue sharply among themselves. How can this man give us his flesh to eat? Jesus said, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I'll raise him up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, listen to that somebody, and I in him, he's talking about the true bread that is present at the Passover. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, regardez ça, et je demeure en lui. Il est en train de parler du véritable pain de la Pâque. The Hebrew Jewish Passover, when they're celebrating the Passover. La Pâque des Hébreux, la Pâque juive, quand ils célèbrent la Pâque. The bread that is striped, that is called matzah. Le pain qui est rayé, qui s'appelle matzah. The holy bread. Le saint pain. And again now, he has summarized it by talking about the true bread that is present. Et maintenant, il résume ça en parlant du vrai pain qui est présent. During the holy communion in the church. Pendant la sainte communion dans l'église. Which means during this time when Christ offered his body on the cross. Ce qui signifie pendant ce temps où Christ a offert son corps sur la croix. To be striped even for the sins of the world. Pour être meurtri pour les péchés du monde. He says, whoever eateth of that bread will remain in him and him in him. Il dit, celui qui mange ce pain, je vais demeurer en lui et lui en moi. Ça signifie, si vous mangez ce pain, vous allez demeurer en Christ et Christ en vous. In other words, maintaining the pre-wedding covenant, en d'autres mots, maintenir une alliance de pré-mariage. Pre-rapture covenant, une alliance de pré-enlèvement. Until the day of the rapture, and you will be raptured. Jusqu'au jour de l'enlèvement, et vous serez enlevés. You are the ones that have maintained the covenant of faithfulness. Vous êtes ceux qui ont maintenu l'alliance de fidélité. Until the day of the rapture. Jusqu'au jour de l'enlèvement. You see, just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your forefathers ate manna and died, but he who feeds on this bread will live forever. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. So it's very important for us to understand. Et alors c'est très important pour nous de comprendre. That every aspect of the bread without yeast that the Lord was speaking about to Israel. Que chaque aspect de ce pain sans levain dont le Seigneur était en train de parler à Israël. In the book of Exodus chapter 12. Dans le livre d'Exode chapitre 12. Was essentially summarized in the true bread that is our Lord Jesus. Est essentiellement résumé dans le vrai pain qui est notre Seigneur Jésus. The bread that came down from heaven. Le pain qui descend du ciel. The holy bread. Le saint pain. That if a man eateth of, he shall not die. Que si un homme en mange, il ne mourra pas. But have eternal life. Mais a la vie éternelle. Now I want to look at another revelation. Maintenant, je vais regarder une autre révélation on the Passover church. De l'église de la Pâque. And this is regarding the Passover lamb. C'est en regardant l'agneau pascal. We have just looked at one of the elements that is the bread that is unleavened. Nous avons juste regardé un élément qui est le pain qui est sans levain. The bread without yeast. Le pain sans levure. And in this conversation, et dans cette conversation, I have handled why yeast is removed. je vais traiter pourquoi la levure est-elle enlevée. And we've seen very clearly that yeast stands for corruption. Et vous avez vu très clairement que la levure, c'est la corruption, defilement, la souillure, sin, le péché, inflammation, inflammation, rot, pourriture, deceit, la fourberie, all these things, toutes ces choses. Everything about sin is yeast. Toute chose qui concerne le péché est de la levure. And that's why the Lord was saying, remove yeast from your houses. Pourquoi le Seigneur était en train de dire, sortez la levure des maisons. And eat bread without yeast. Et mangez du pain sans levain. At Passover and also during the Holy Communion. À la Pâque et aussi pendant la Sainte Communion. And we've seen that Christ, the Son of God, et vous avez vu que Christ, le Fils de Dieu, is actually the bread without yeast for the church. Est actuellement le pain sans levain pour l'Église. But now, during the time of the Holy Communion, mais maintenant, pendant le temps de la Sainte Communion, the lead scripture of the book of Luke, chapter 22, verses 7, l'écriture guide de l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 7, to 13, à 13, he mentioned two things. He said, now came the day of the unleavened bread. They talked about the unleavened bread. Il mentionne deux choses. Maintenant est venu le jour du pain sans levain. Il parle à propos du pain sans levain. When the Passover lamb was to be sacrificed. Où l'agneau pascal devait être sacrifié. So let us look at the Passover lamb. Alors regardons à l'agneau pascal. What is it about it that is speaking to the church right now? À propos de quoi parle-t-il à l'Église juste maintenant? As we move towards the rapture. Comme nous avançons vers l'enlèvement. The book of Exodus, chapter 12, verses 1 to 13. Le livre d'Exode, chapitre 12, versets 1 à 13. Speaks very, very clearly about the description of the Passover lamb. Parle très, très clairement de la description de l'agneau pascal. He says, the Lord said to Moses and Aaron in Egypt, this month is to be your first month, the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the tenth day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. If a household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verse 5, Exodus 12. The animals you are to choose must be 1 year old male without defect. Hallelujah. Verset 5 de Exode 12. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Hallelujah. And you may take them from the sheep or from the goat. Take care of them until the 14th day of the month. Then the people of the community of Israel might slaughter them at twilight. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. They are to take some of the blood and put them on the sides and the top of the door frames of the houses where they eat the lamb. The same night they are to eat their meat roasted over fire along with bitter herbs and bread made without yeast. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Do not eat the meat raw or cooked in water, but roast it over fire, heads, legs, and the inner parts. Do not leave any part till morning. If some is left till morning, you must burn it. This is how you are to eat the meat. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Your clothes should be tucked into your belts, and your sandals on your feet, and your staff on your hand. Eat it in a haste. It is the Lord's Passover. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verse 12, it says, on that same night I'll pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I'll bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. Le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. The blood will be a sign for you on your houses where you are. And when I see the blood of the Lamb, I'll pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise, mais quand je frapperai le pays d'Égypte. Now this is amazing to me, precious people. C'est renversant pour moi, précieux peuple. That the blood of the lamb becomes so critical unto the Lord. Que le sang de l'agneau devienne tellement important pour le Seigneur. When he's talking about the Passover. Quand il parle à propos de la Pâque. That at this time, even as they commemorate the Passover. Que à ce temps, même quand ils commémoraient la Pâque. They should remember that it is the blood of the Lamb that essentially set them free. Ils devaient se souvenir que c'est le sang de l'agneau qui les a rendus libres. Now let's look at the character. Maintenant, regardons au caractère. What is the trait that the Lord set forth that the Passover lamb should have? Quel est le trait que le Seigneur avance que l'agneau de Dieu doit avoir? One of them is that the Passover lamb should have no defect. Un de ceux-ci est que l'agneau pascal ne doit avoir aucun défaut. There should be no defect at all on the Passover lamb. Il ne doit y avoir aucun défaut pour l'agneau pascal. For that lamb to qualify to be a Passover lamb. Pour que cet agneau puisse être qualifié pour l'agneau pascal. And so, when we look at the New Testament, et alors quand on regarde au Nouveau Testament, and we look at Christ the Messiah, et quand on regarde à Christ le Messie, what is it about the Messiah that qualifies him to be the perfect Passover lamb of God? Qu'est-ce qu'il y a à propos du Messie qui le qualifie d'être le parfait agneau pascal de Dieu? That has been sacrificed during the Passover and in this case during the Holy Communion. Qui a été sacrifié pendant la Pâque et ici pendant la Sainte Communion. Now the book of Hebrews is very clear. Alors le livre des Hébreux est très clair. Hebrews chapter 7. Hébreux chapitre 7. Verse 11. He's talking about Melchizedek. Verset 11, il parle à propos de Melchizedek. This is what he says here. Et c'est ce qu'il dit ici. If perfection could have been attained through the Levitical priesthood, for on the basis of it the law was given to the people, why was there still a need for another priest to come, one in the order of Melchizedek, not in the order of Aaron? C'est ce qu'il dit ici. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? For when there is a change in the priesthood, there must be also a change in the law. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. He of whom these things are being said belong to a different tribe. And no one from that tribe has ever served at the altar. For it is clear that our Lord Jesus descended from Judah. In regard to this tribe, Moses said nothing about priesthood. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. And what we have said is even more clear. If another priest like Melchizedek appears, one who has become a priest not on the basis of regulation as to his ancestry, but on the basis of the power of an indestructible life. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. So you see the power with which Christ becomes the Passover lamb. Alors vous voyez le pouvoir dans lequel Christ est devenu l'agneau pascal. Is that it comes with life which is indestructible. But listen to this. Ça vient d'une vie qui est impérissable. Alors écoutez ceci. For it is declared, you are priest forever in the order of Melchizedek. The former regulation is set aside because it was weak and useless, for the law made nothing perfect, and better hope is introduced by which we draw near to God. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. And it is now without an oath. Others became priests without any oath, but he became priest with an oath when God said, the Lord has sworn and will not change his mind. You are priest forever. Because of this oath, Jesus became the guarantee of a better covenant. Somebody listen to this. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours. À cause de ça, Jésus est devenu la garantie d'une meilleure alliance. Écoutez ça. Now there have been many of those priests since death prevented them from continuing in office. But because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Therefore, he is able to save completely those who have come to God through him, because he always lives and intercedes for them. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Now listen to this very carefully. Maintenant, écoutez ça très attentivement. Verse 26, such a high priest meets our needs, one who is holy, blameless, pure, and set apart from sinners, and exalted above the heavens. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Listen to me, somebody, very carefully here. Écoutez très attentivement ici. When the Lord was talking to Israel, quand le Seigneur était en train de parler à Israël, and he's saying that they should pick a Passover lamb. Et il dit qu'ils doivent choisir un agneau pascal. They should pick a lamb without defect. Ils doivent choisir un agneau sans défaut. And present because it is the blood of that lamb without defect. Et le présenter parce que c'est cet agneau sans défaut. That would atone for the sins of Israel in slavery in Egypt. Qui va expier pour les péchés des Israélites en esclavage en Égypte. And release them out. Et les faire sortir. The Lord was essentially speaking to the church. Le Seigneur était essentiellement en train de dire à l'Église. Because we see that ultimately, parce que nous voyons que, en fin de compte, Christ is the Passover lamb, the perfect Passover lamb. Christ est l'agneau pascal parfait. That was offered for the sins of the world. Qui a été offert pour les péchés du monde. And we see that Christ actually fits the character. Alors nous voyons que maintenant Christ remplit le caractère. The properties, the characteristics. La propriété, les caractéristiques. Of the Passover lamb that the Lord was ordaining. de l'agneau de Dieu que le Seigneur était en train d'ordonner. In Exodus chapter 12. Dans Exode chapitre 12. In other words, speaking a prophecy to the New Testament church. En d'autres mots, parlant une prophétie à l'église du Nouveau Testament. And saying that the Passover lamb. Et disant que l'agneau pascal. That will redeem you from the spiritual Egypt. Qui va vous racheter de l'Égypte spirituelle. Will be a perfect lamb. Va être un agneau parfait. Will be a lamb without spot, without defect. Qui va être un agneau sans tache, sans défaut. And that's why you see in the book of Hebrews chapter 7. C'est pourquoi vous voyez que dans le livre aux Hébreux chapitre 7. Verse 26. Verset 26. Our Lord Jesus marches. He fits the description the Lord God was talking about. He says. Notre Seigneur Jésus égalise, remplit cette description. Il dit. Such a high priest meets our need, one who is holy, listen to that, blameless, pure, set apart from sinners. Un souverain sacrificateur comme lui qui rencontre nos besoins, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. And he goes on and says. Et il va plus loin et il dit. And is exalted above the heavens. Unlike the other priests, he does not need to offer sacrifice day after day. First for his own sins, and then after that for the sins of other people. Est plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Listen to what he says. He sacrificed for their sins once for all. When he offered himself. For the law appoints as high priest men who are weak, but the oath which came after the law appoints the Son who has been made perfect forever. Il dit, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. So surely Jesus fitted the description of the perfect Passover lamb. Alors sûrement Jésus remplissait la description du parfait agneau pascal. That the Lord was speaking about in the book of Exodus chapter 12 verses 1 all the way to verse 13. Dont le Seigneur était en train de parler dans le livre d'Exode 12 verset 1. Et tout au long jusqu'au verset 13. Even verses 35 to 45. Même le verset 35 à 45. So one of the main characteristics of the Passover lamb. Alors une des caractéristiques principales de l'agneau pascal. Is that the Passover lamb. C'est que l'agneau pascal. Had to have no defect. N'a pas de défaut. The other thing is about the blood of the Passover lamb. L'autre chose est à propos du sang de l'agneau pascal. We see very clearly that when the Lord was speaking about the Passover lamb. Vous voyez très clairement que quand le Seigneur est en train de parler à propos de l'agneau pascal. To the community of Israel in Egypt. À la communauté d'Israël en Égypte. He was essentially speaking about the blood of Jesus. Il parlait essentiellement à propos du sang de Jésus. That would come and atone for the sins of the world and the church. Qui va venir et expier pour les péchés du monde et pour l'Église. Because he said, when I see the blood of the lamb. Parce qu'il a dit, quand je vois le sang de l'agneau. At the doorposts. Sur le linteau de la porte. I will pass over you. Je vais passer au-dessus de vous. And not strike you when I strike the land of judgment. Et je ne veux pas vous frapper comme j'ai frappé le pays avec le jugement. But take you as my people. Mais vous prendre comme mon peuple. So you may enter into the wilderness to worship me. Comme ça vous pouvez entrer dans le désert pour m'adorer. Towards the promised land. Vers le pays promis. How does that speak to the church during the Holy Communion? Comment est-ce que ça parle à l'Église pendant la Sainte Communion? Now listen this very carefully. Maintenant, écoutez ça très attentivement. When the Lord was doing so with Israel in Egypt, quand le Seigneur était en train de faire ceci avec Israël en Égypte, essentially spoke a prophecy to the church. Il essentiellement parlait une prophétie à l'église. He was saying, you church, you too. Il était en train de dire, vous l'église, vous aussi. It is the blood of the perfect Passover lamb, Jesus. C'est le sang de l'agneau pascal parfait, Jésus. That when you cover yourself with that blood, quand vous vous couvrez vous-même avec ce sang, cover your heart, couvrez votre cœur. That is the only thing the Lord ever died for. C'est la seule chose pour laquelle le Seigneur est mort. And now when I come to take the church during the rapture, et maintenant quand je viens pour prendre l'église pendant l'enlèvement, and I check on your heart, et je regarde vos cœurs, and I see that your heart is covered with the blood of the perfect Passover lamb, that is Jesus, que je vois qu'il est couvert par le sang de l'agneau pascal parfait qui est Jésus. Do you hear me, somebody? Vous m'entendez? Then I will take you to be with me into the wilderness, out of the spiritual Egypt. Alors je vais vous prendre avec moi dans le désert, en dehors de l'Égypte spirituelle. But judgment will strike Egypt. Mais le jugement va frapper l'Égypte. And remember, the Egypt here is the spiritual Egypt, the world. Alors vous voyez, l'Égypte ici, l'Égypte spirituelle, le monde, where the church has been living, où l'Église a vécu. And that judgment is the first 3.5 years of the tribulation. Et ce jugement, ce sont les premiers 3 ans et demi de la tribulation. And the next 3.5 years of the great tribulation. Et des 3 ans et demi suivants de la grande tribulation. That is the 7 years of tribulation. Ce sont les 7 ans de tribulation. That is the judgment that will smite and strike the earth. Ça, c'est le jugement qui va rencontrer et frapper la terre. As the Lord takes the church that is covered by the blood of the Lamb. Quand le Seigneur prend l'église qui est couverte par le sang de l'agneau. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Is somebody following me here? Est-ce que quelqu'un me suit ici? And you see very, very powerfully now. Et vous voyez très fortement avec puissance maintenant. That the blood of the Lamb is able to atone for the sins of the church. Que le sang de l'agneau est capable d'expier les péchés de l'Église. And release her into the wilderness. Et de la sortir du désert. Which wilderness are you talking about here? De quel désert parlons-nous ici? Before the church, listen to this, before the church even enters the rapture, avant que l'Église même entre dans l'enlèvement, Jesus died for the church. Jésus est mort pour l'Église. At Calvary. Au Calvaire. And that's why in the beginning I told you there are 2 levels of redemption. C'est pourquoi au début je vous ai dit qu'il y a 2 niveaux de rédemption that are embedded within the Holy Communion. Qui sont intégrés dans la Sainte Communion. I said the revelation of the Holy Communion. J'ai dit la révélation de la Sainte Communion to the church is number one, about the rapture. À l'Église est numéro 1, l'enlèvement. Number 2. Numéro 2. About the 2 levels of restoration. À propos des 2 niveaux de restauration. Now listen to this, somebody. Alors, écoutez ça. When Jesus died at Calvary, quand Jésus est mort au Calvaire, that was the first redemption. C'était la première rédemption. That was the first time he delivered the church from the fall of Adam. C'est la première fois qu'il a délivré l'Église de la chute d'Adam. He delivered the church right there. Il a délivré l'Église juste ici. And then he made the church able now to pass through the route that brings her into heaven. Et il rend l'Église capable de passer la route qui l'amène au ciel. Because he poured his blood on the cross. Parce qu'il a versé son sang à la croix. But listen to this, somebody. Mais écoutez ça. If you don't receive Christ, si vous ne recevez pas Christ, you cannot be delivered into the kingdom of God. Vous ne pouvez pas être délivré et entrer dans le royaume de Dieu. So there was a choice given unto the nations of the earth. Alors il y a un choix qui a été donné parmi les nations de la terre. But the deliverance was already done. Mais la délivrance a déjà été faite. Alléluia. Alléluia. Now look at the next level of the deliverance. Alors regardez le niveau suivant de délivrance. Essentially was talking about. Essentiellement, il était en train de parler. After the church was delivered. Après que l'église a été délivrée. At Calvary. Au Calvaire. When he died. Quand il est mort. That was the Egypt. Delivering from Egypt. Délivré de l'Égypte. C'était l'Égypte. He removed the church into the wilderness of repentance. Il a transporté l'église dans le désert de la repentance. Alléluia. Alléluia. That's why you see in the book of Exodus chapter 12 verse 51. Et c'est pourquoi vous voyez dans le livre de l'Exode chapitre 12 verset 51. He says when he saw the blood of the lamb on the door. Quand il a vu le sang de l'agneau à la porte. He released Israel. Il fit sortir Israël. By their divisions. Par division. Into the wilderness to worship Jehovah. Ils sont allés dans le désert adorer Jéhovah. Alléluia. Alléluia. So you see that when Jesus died on the cross. Et vous voyez que quand Jésus est mort sur la croix. He too, by his blood, the blood of the perfect Passover lamb. Lui aussi, par son sang, par le sang du parfait agneau pascal. He released the church. Il a sorti l'église. Into the wilderness of repentance. Dans le désert de la repentance. No wonder. Pas étonnant. Everyone that appeared. Quiconque qui paraissait. Was preaching, repent for the kingdom of God is near. Qui était en train de prêcher, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Implying. Implique. That the church has now been set free from this slavery of sin that Adam put her in. Que l'église a été maintenant rendue libre de cet esclavage de péché dans lequel Adam l'avait mise. The slavery in Egypt. L'esclavage d'Égypte. Now she has been set free by her divisions. Maintenant, elle a été rendue libre par ses divisions. Into the wilderness of repentance. Dans le désert de la repentance. So when we repent in Christ Jesus. Alors quand vous vous repentez en Jésus-Christ. Then we are already on our way. Alors nous sommes déjà dans un chemin. As we wait for the rapture, but on the way in the wilderness of repentance. Où nous attendons pour l'enlèvement, mais sur le chemin de la repentance. On the way to the promised land. Dans le chemin du pays promis. Which is the rapture for the church. Qui est l'enlèvement de l'église. Are we there, somebody? Est-ce que vous êtes là? And he's talking about that first level of deliverance. Et il est en train de parler de ce premier niveau de délivrance. That has set free the church. Qui a rendu l'église libre. And the church is in the wilderness of repentance. Et l'église est dans le désert de la repentance. But listen to this, somebody. Mais écoutez-moi. The day of the rapture, when the midnight hour arrives. Le jour de l'enlèvement, quand l'heure de minuit arrive. When the Lord finally strikes the earth with judgment. Quand le Seigneur finalement frappe la terre avec le jugement. That's the next level of deliverance. C'est un autre niveau de délivrance. He delivers the church in the rapture. Il délivre l'église dans l'enlèvement. Tribulation hits the earth. La tribulation frappe la terre. As the church enters the wedding supper of the Lamb of God. Alors que l'église entre dans le souper de noces de l'agneau de Dieu. Isn't that an amazing revelation to mature the church up? Est-ce que ça n'est pas une révélation renversante pour amener l'église à la maturité? The two levels of deliverance. Des deux niveaux de délivrance. That's embedded within the Holy Communion. Qui est intégré dans la Sainte Communion. And the church has never known these things. Et l'Église n'a jamais su ces choses. Alléluia. Alléluia. And I want to look at the other aspect of the Passover lamb. Et j'aimerais voir l'autre aspect de l'agneau pascal. That the Lord is talking about. Dont le Seigneur est en train de parler. When Jehovah was speaking to Israel, quand Jéhovah était en train de parler à Israël, about the Passover lamb that they were to sacrifice, à propos de l'agneau pascal qu'ils avaient à sacrifier. In Exodus chapter 12, dans Exode chapitre 12, he mentioned something very critical to them. Il a mentionné quelque chose de très important pour eux. He said, and don't break his bones. Now look at this, somebody. Il a dit, et ne brise pas ses os. Alors, regardez ça. He's talking about the regulations for Passover. Il est parlé à propos des règlements de la Pâque. What is it that qualifies a lamb to be a Passover lamb? Qu'est-ce qui qualifie l'agneau d'être un agneau pascal? Able to atone the sins of Israel and now. Capable d'expier les péchés d'Israël. And now we're talking about the sins of the church. Et maintenant nous parlons à propos du péché de l'Église. Regardez ça. Verse 46, Exodus 12. Verset 46 dans Exode 12. And it must be eaten inside one house. Take none of the meat outside the house. Do not break any of the bones. Alléluia. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Alléluia. That was one of the rules that would qualify a lamb to be a Passover lamb. C'est un des règlements qui va qualifier un agneau d'être un agneau pascal. Now, let us look at the New Testament. Maintenant, regardons le Nouveau Testament. Where is it in the New Testament? Où est-ce qu'on en parle dans le Nouveau Testament? That you now see Jesus fitted the description. Que nous voyons maintenant Jésus remplissant la description. That the Father was describing to Israel. Que le Père était en train de décrire à Israël. A description which would characterize the perfect Passover lamb. La description qui va caractériser l'agneau pascal parfait. Whose blood is able to atone for the sins of Israel. Dont le sang est en mesure d'expier les péchés d'Israël. And in this case, we are talking about the perfect Passover lamb, Jesus. Et dans ce cas, on parle à propos du parfait agneau pascal, Jésus. Whose blood is able to atone for the sins of the world. Dont le sang est en mesure d'expier les péchés du monde. And we have seen that he commanded them and he said, you shall not break any of his bones. Et on a vu qu'il leur a commandé en disant, vous ne briserez aucun de ses os. Now, in the book of John, chapter 19, verse 28, it says, maintenant, dans l'évangile de Jean, chapitre 19 et verset 28, il dit, later knowing that all was completed, so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, they put it on a stalk of hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Verse 30. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Now, it was the day of preparation, for the next day was to be a special Sabbath. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Maintenant, c'était un jour de préparation, parce que le jour suivant allait être un jour de sabbat. Because the Jews did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath, they asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus. Then those of the other. But when they came to Jesus, and they found that he was already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side, hallelujah, with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui qui avait été crucifié avec lui, s'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Now the man who saw this has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth and he testifies so that you also may believe. These things happened so that the scripture would be fulfilled. Not one of his bones will be broken. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. And as another scripture says, they will look on the one they have pierced. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Now look at verse 33. Alors regardez au verset 33. It was customary for people who have been crucified. C'était une coutume pour les gens qui ont été crucifiés. During that time of the Roman rule, pendant le gouvernement romain, for their knees to be broken by axe, que leurs genoux soient brisés par une hache. They chopped their knees with axes. Ils frappaient leurs genoux avec une hache. Before they lowered their bodies from the cross. Avant qu'ils descendent leur corps de la croix. And yet, if they had done that with the body of Christ, et maintenant, s'ils avaient fait cela avec le corps de Christ, that would have definitely disqualified Christ from being the perfect Passover lamb. Ça aurait disqualifié, ça aurait définitivement disqualifié le Christ d'être l'agneau parfait de Pâques. That Jehovah had described already. Que Jéhovah a déjà décrit. And ordained and commanded. Et ordonné et commandé. In the book of Exodus, chapter 12. Dans le livre d'Exode, chapitre 12. But you see that when they are coming to remove the bodies from the crosses. Mais vous voyez que quand ils sont venus pour enlever les corps des croix, the first man that was crucified with Jesus, le premier homme qui a été crucifié avec Jésus, with an axe they chopped off now the knees, avec une hache, il frappe les genoux, as was required in Roman law, comme c'était exigé dans la loi romaine, and they lowered the body. Et ils ont descendu le corps. They went to the other man, they chopped off the knees. Ils sont allés vers l'autre homme et ils ont frappé les genoux. And then lowered the body. Et ensuite ont descendu le corps. But when they came to Jesus, mais quand ils sont venus à Jésus, they realized he was already dead. Ils ont réalisé qu'il était déjà mort. And the Holy Spirit of Jehovah, et le Saint-Esprit de Jéhovah, could not allow them to cut the bones of our Lord Jesus with an axe. N'a pas permis qu'ils cassent les os du Seigneur Jésus avec une hache. So he could fulfill the basic requirement. Alors, il a pu remplir l'exigence de base of being a perfect Passover lamb, d'être un parfait agneau pascal, whose bones are not supposed to be broken, dont les os n'ont pas supposé être cassés. So his blood could atone for the sins of the world. Alors son sang peut expier les péchés du monde. Isn't that amazing, somebody? Est-ce que ça n'est pas renversant? Alléluia. Alléluia. And then the spiritual circumcision that we have seen. Et la circoncision spirituelle que nous avons vue. And he said, et il a dit, nobody can partake of the Passover. Personne ne peut participer à la Pâque unless they are circumcised. S'il n'est pas circoncis. That is what was ordained by the Lord. C'est ce qui était ordonné par le Seigneur. When he set up the regulations. Quand il a mis au point les règlements. Again, we go back to the book of Exodus, somebody. Encore, retournons au livre d'Exode. And he set up regulations here for Passover. Il a mis au point des règlements pour la Pâque. Verse 43, Exodus 12. Le verset 43 D'Exode 12. The Lord said to Moses and Aaron, these are the regulations of Passover. No foreigner is to eat it. If any slave you have bought may eat of it after they have been circumcised. But a temporary resident or a hired worker may not eat of it. It must be eaten inside one house and none of the meat taken outside the house. Do not break any of the bones. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris l'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. The whole community of Israel may celebrate it. An alien living among you who wants to celebrate the Lord's Passover must have all the males in his household circumcised. Then he may take part like a native born in the land. No uncircumcised male may eat of it. The same law applies to native born or to an alien living in the land. So listen very... Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. So listen very, very carefully, somebody. Alors, écoutez très, très attentivement. He was emphasizing the fact that only those males who are circumcised. Il met en relief le fait que seuls les mâles qui sont circoncis can partake of the Passover. Peut participer à la Pâque. What does that mean to the church? Qu'est-ce que ça signifie pour l'Église? What is embedded there that's important to the church, the Holy Communion? Qu'est-ce qui est impliqué ici, qui est important pour l'Église, pour la Sainte Communion? And also the rapture. Et aussi l'enlèvement. Essentially, essentiellement, when the Lord Jesus he died and resurrected into heaven, quand le Seigneur Jésus est mort et qu'il est ressuscité aux cieux, he transferred the church from the earthly physical sanctuary. Il a transféré l'Église du sanctuaire terrestre et physique into the spiritual tabernacle. Dans le tabernacle spirituel. Now we are not offering the physical blood of an animal. Maintenant, nous ne sommes pas en train d'offrir le sang physique d'un animal. We are offering spiritual sacrifices because nous offrons des sacrifices spirituels because Christ, the perfect Passover lamb, parce que Christ, le parfait agneau pascal, has already been sacrificed once for all. A déjà été sacrifié un pour tous. Like you have seen in the book of Hebrews chapter 7. Comme vous l'avez vu dans l'épître aux Hébreux chapitre 7. But listen to this now. Mais écoutez ça maintenant. And he says, et il dit, in the book of Exodus chapter 12 verses 43 on, dans le livre de l'Exode chapitre 12 verset 43 et suivant, only those who are circumcised, seuls ceux qui sont circoncis are permitted, ordained by God, ont la permission, sont ordonnés par Dieu to partake of the Passover, participent à la Pâque. Now, for the church, maintenant, pour l'Église, he's talking about only those who are spiritually circumcised, il a parlé à propos de seulement ceux qui sont circoncis spirituellement by Christ, par Christ. Can partake of the Holy Communion. Peuvent participer à la Sainte Communion. So you see where the church has fallen from. Alors vous voyez d'où l'Église est tombée. Some people have partaken of the Holy Communion. Quelques personnes participent à la Sainte Communion. Without being born again. Sans être nés de nouveau. In other words, being spiritually circumcised in their hearts. En d'autres mots, être spirituellement circoncis dans leur cœur. What a tremendous revelation coming to the church today. Quelle formidable, quelle énorme révélation venant à l'Église aujourd'hui. I want us to read about Jesus, the perfect Passover lamb. Et j'aimerais que nous lisions à propos de Jésus, le parfait agneau pascal. And I want us to move to the next level now. Et j'aimerais que nous déplacions à un autre niveau maintenant. What is the significance? of the bitter herb that was used to eat the Passover lamb? Quelle est la signification des herbes amères qui étaient utilisées pour manger l'agneau pascal? That we see in the book of Exodus chapter 12. Que nous voyons dans le livre de l'Exode chapitre 12. In the book of Exodus chapter 12. Dans le livre de l'Exode chapitre 12. Verse 8, it says. Verset 8, il dit. The same night they are to eat the meat roasted over fire, along with bitter herbs and bread made without yeast. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Why was it important for Israel during the Passover until today? Pourquoi c'était important pour Israël pendant la Pâque jusqu'à aujourd'hui? They eat bitter herbs. They place bitter herbs on the table. Ils mangent des herbes amères. Ils placent des herbes amères sur leur table. And they use it to eat the Passover lamb. Et ils les utilisent pour manger l'agneau pascal. At the same time, the bread without yeast. Et pendant ce même temps, le pain sans levain. What is the revelation that is there? Quelle est la révélation qui est ici? That's embedded onto the church. Qui est intégrée à l'église.